بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 24e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما في شيء اليوم هون directement donc الدرس الرابع والعشرين الثلاثة من صوم تعرض به وصف جديد وإفعال له أو إفعال له من الخماسي من الثلاثي المزيد الذي صار خماسيا. تمام. عندنا سبع أشخاص. سأقرأ المدرس. أنت علي. أنت أحمد. أنت جعفر. أنت أيوب. وأنت حامد. وأنت المراقب. افتح النافذة يا علي. أوفر لفنات أو علي. إنها لا تفتح. لن تفتح. سلن. لا تن فتح. فن. في نون في الله. تن فتح. أيه. فقد أعوج أعوج مزاجها. Donc il dit, elle ne s'ouvre pas car sa poignée s'est tordue. أعوج c'est tordre. Le مزاج là c'est la poignée. ألا يمكن تقويم إعوجاجي Yawajaji, non. N'est-il pas possible de redresser sa courbure? Takumi, c'est le fait de remettre et redresser une chose. Yawajaji, c'est le mazdar de Yawajja. Là, c'est la poignée. Ou le truc par lequel c'est tu l'ouvres quand tu te sens comme ça. Takumi, c'est rendre. Takumi, c'est redresser. Je suis tordu de quoi oui moi, tu le remets droit. Et Yawajja. C'est mazdar de Yawajja, c'est tordre, c'est courbé. Ah ouais, c'est courbure. Ali. Hawalna walam natamakkan min dhalik. Donc il dit nous avons essayé, nous avons tenté, mais nous n'avons pas pu le faire. Tamakkan la marastetar. وجهك محمر يا احمد كانك غضبان. Donc il dit ton visage est rouge. Oh Ahmed. Genre un rougi quoi. C'est comme si tu étais en colère. نعم لقد اغضبني جعفر بسخريته. Que dit oui, Jafar m'a irrité par sa moquerie envers moi. قم وتوضأ يا جعفر ألم تسمع قوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا يسخر منكم من عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. Donc il dit oh vous, dans cette scolaire qui va approcher, oh vous qui avez cru que personne, il y a un qu'un groupe ne se moque pas de notre groupe, il se peut qu'il soit meilleur qu'eux, et pas de femmes qui se moquent d'autres femmes, car il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. بلا استغفر الله واتوب اليه. D'ici, d'ici, j'ai entendu le verset. Je demande pardon à Allah et je me reprends à lui. خذ دفترك يا ايوب يستلم له الدفتر. اراك ضعيفا في النحو يجب عليك ان تجتهد. Donc il dit prends ton cahier, oh ايوب. Donc il rend le cahier. Je te vois faible en grammaire. Il est obligatoire pour toi d'être studieux, de faire des efforts, de fournir des efforts. اقرا الايه يا حامد دي بيرسي وحامد بعد الاستعاذه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تسود وتسود وجوه فأما وجوه ديما ايش تكوين فتح بتعرف صح؟ وجوهون وجوه. أيوة. لما تأكل وجوه أو وجوهن. إيش قلت أنا؟ أنت قلت وجوه. وجوهن. فسمعت كذا. أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم فيه فيهم لما كنتم تكفرون. وأما الذين أبيضت وجوههم. أما الذين أبيضت في الوسط تقول أما الذين أبيضت لا تقرأ حرف الوصل. أما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. متقرأ حرف الاستغاثة. Dit le jour où se blanchissent des visages et se noircissent des visages, quant à ceux dont les visages sont noircis, vous avez mécru après avoir eu la foi, leur goûter le châtiment pour ce que vous avez mécru. Et quant à ceux dont le visage est blanchi, eux ils sont dans la miséricorde d'Allah et ils y seront éternellement. Al-Ni'el Al-Jannah. دول يقول يقرأ الحديث يا أيوب يقول الحديث هو أيوب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ثمرات حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو وما يزهو قال يحمر أو يصفر. Donc il dit selon Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il interdit de vendre les fruits avant qu'ils ne mûrissent en fait. Yadou salahuha, c'est le fait de mûrir. À la base c'est qu'apparaissent leur comment on appelle ça, non, quand ils sont comestibles. Les signes qui sont bons à manger, tu vois, qui sont mûrs en fait, on dira. Là, la phrase d'Yabdou Salahoua, ça va être traduit par le fait qu'ils mûrissent. Et il a interdit de vendre le palmier jusqu'à ce qu'il fleurisse. Il a été dit, et comment est-ce qu'il fleurit? Il dit, il devient rouge ou devient jaune. Yahmar Rou fait rougir, Yafar Rou fait jaunir. Yatrou al-Muraqif, Fimaktabi Sa'atun Wujidat Ams. في المصلى بعدما انتهى صلاة الظهر فمن فقدت ساعته فليتصل بي بعدما ينتهي الدرس. Donc il dit dans mon bureau j'ai trouvé une montre hier. Il y a plutôt dans mon bureau il y a une montre qui a été trouvée hier dans la salle de salat après l'accomplissement de la salat du dhuhr. Donc celui dont la montre était perdue, qu'il me joigne après la fin du cours. Il n'y a pas que le cours stable. Se joindre ou après d'un main. Après. Non, il y a de tensible, c'est joindre. On dit de SLP, c'est l'image du marojoint. C'est de joindre, on est en contact avec quelqu'un. À part de manière de après l'accomplissement, l'achèvement du DES. Pourquoi Bardana, c'est Bardana Taïdas? Là, c'est la suite qui fait DES, on va dire, Inch'Allah. D'être à l'autre du DES. Même à ce d'Aliya. Il y a quoi le type de l'Asmila, l'Atiya? Adel DES, l'Ati, il y a quoi? Lima, là, Tanfadihu, n'a pas fait tout le fasl. Pourquoi est-ce que la fenêtre de la classe ne s'ouvre pas? Thaniyan, lima radiba Ahmadou ala Ja'far. Pourquoi est-ce que Ahmed s'est mis en colère sur Ja'far? Thalithan, maza yuqalu lilladhina taswaddu wujuhuhum yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qui est dit à ceux dont le visage se noircit, ceux dont les visages se noircissent le jour du jugement? Rabi'an, où est-ce que la montre a été trouvée et quand? On a. Tayyib, Nourasil Yaqul. Une abwa belfi al-thulathi. If'allah. Donc parmi les chapitres du verbe soulati, ou mazid, on a la mesure if'allah, qui lui est un khumasi. Zidat fihi hamzatun qabla al-fa, wa du'ifat al-lam. Donc on y a rajouté un hamza avant le fa, on a fait une drop sur le lem. On a deux lem maintenant. Ya'ti adal bab fil alwan wal uyub. Et cette mesure est employée pour les défauts et les couleurs. يعني الكلمات التي لا وزن أفعالها مثل أبيض أصفر أسود فسلي كلها وغضيض العيوب أعور أعوج أعمى أصم فهذه هذا الوزن من الفعل انطبق على هذا يكون منها باب إفعال انتبهوا نحن أخذنا إفعال بدون مد بلمين لا دو لم منو يقوى افعال تمام لما ولا كو منو on a un mad en plus on a un mad en plus alif comme le dolam sidat fihi hamzatun qabl al fa wa alif ba'd al ayn wa du'ifat al lam wa yati fi al alwan faqat plus un sudasi plus la six lettres pourquoi ils disent du'ifat al lam et pas du'ifat إلا يفعل في ضغ في إيش لا في كل أصل يفعل فعل يا سلم وفعل مقصد كون أجوتي بحمزة بأليف يا لن أو تشد سلم تجعت دو لن منه Mais le « c'est quoi ?» C'est « fa'ala ». Toi, tu te bases sur « fa'ala », tu te bases sur « fa'ala ». Ça, c'est deux mesures différentes. Hein. C'est pas un qui goûte l'autre. Ils sont très proches, mais c'est deux trucs différents. Et leur origine, c'est « fa'ala », à tous les deux. « Waqala dalwazm yatif fil alwan » « Ifa'ala » Vous voyez ?« Lil alwan » Juste pour les couleurs. C'est quoi pour les couleurs ? Mais il y a le même sens que « ifa'ala ». Parce qu'il fait là, il est plus large. Il prend les couleurs et les défauts. Les couleurs et les défauts. Il y a qu'on liste à l'église de Dersi l'Afal Walida min Hazain Babain. Donc, extrait du cours, les verbes exposés de ces deux chapitres. Il y a dit Ifa'alla ou Ifa'alla. Il y a qu'on liste à l'église. تأمل المثال ثم هات المضارع والمصدر واسم الفاعل والأفعال من الأفعال الآتية. Donc là il faut que tu regardes des exemples et que tu donnes le مضارع, le مصدر, l'اسم الفاعل et l'أفعال. مثلا يقول إحمر qui veut dire rougir. À la وزن يفعل. المضارع يحمر à la وزن يفعل. المصدر إحمرار à la وزن إفعلال. اسم فاعل محمر والوجيل سي مفعل طيب اصفر جونيا عندك يصفر ايش يصفر نعم اصفر اصفر لا ينكسر اصفر ينكسر اصفي ايوه إسفرار نعم إسفرار و مصفر مصفر مصفر نعم إبيض بلانشير إبيض en fait c'est soi-même blanchir فهمت par exemple toi t'as peur يقول oh بيض وجه فهمت لأنه خوف son visage approché de la peur mais je te blanchir toi moi je blanchir toi par exemple ça va faire quoi بيض que dire pondre aussi Moi je veux dire j'ai blanchi Foulen, on vient au Ibeb, Beb, fa'ala, faire quelque chose à quelqu'un. Hein? Et c'est aussi pont. Ou c'est plutôt pont, je crois que c'est Abada Yubidu. Je crois que c'est Abada Yubidu pont, pour faire neuf. Et bien, Bayyada, c'est ou faire pont ou rendre blanc. Non. Et bien là, Ibiyada, c'est blanchir. Là, je suis allé sur toi. Il y a de venir voir. رابعا تعمل المثال ثم حذف المضارية والمصدر واسم الفاعل من الفعلين العاديين نودن وقال الإزام يدن المضارية أسيك المصدر الاسم الفاعل دي دو فيرب سيوان الحمية سي إسفار را وهذا الوزن خاص للألوان إسفار را معنى إسفار را سيكي المال سيدان فصل الوطن Sauf que là, là on utilise que pour ce voisin-là, on utilise que pour les couleurs. Sinon, il sera ra, ou il sera ra, ça va. Neuf semaines. Donc, t'as quoi, il sera ra. Ça, c'est le mardi. Il sera ro, le modalé. Alors, voisin, il sera lo. Ou il sera ra. Alors, voisin, il sera ra. Elle aide, elle m'aide. De if'al, طيب ou if'al, ce mot là c'est pas forcément alif. Oh, regarde. C'est ça que tu vois là. Isfira, c'est le alif qu'il y a dans yasfaru. طيب, yuklab, yan. Ou ism fa'il, musfarun. طيب, if'al fi shema, ihmar. طيب يقول في الخامس اذكر باب كل فعل مما ياتي دونك دون شابيت في كل فيرس سيفون لو كان وزن يتقي اسود C'est quoi ce voisin? Ce voisin, ah, c'est Ifal. Nam. Ijted. C'est durcir. Ijted. Nam. De quel voisin est-il prêt? Qui s'amplifie à Iftial, Arsent. Ihmarra. يفعل إدهام يفعل إبيض يفعل اشتق افتعل افتعل انشق se fissurer, se fendre. Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Là, c'est quoi l'os de Inch'Allah? C'est. Ça vient de quel verbe? Inch'Allah. Ta gueule. Donc c'est quoi les qu'on t'a rajouté là? Attention, tu ne laisses pas avoir parlé de Rome. C'est parce qu'il y a mis de Rome là, c'est-à-dire qu'il y en a un dans son origine. À la base, ça me garaf. Chaka. Donc c'est if infal. C'est quoi le was kanun qu'on a pris? Infala. Comment on dit le was kanun? Pense juste au was, pense pas à celui à ce verbe là. On a pris was yanun dedans, c'est lequel? C'est celui-là. C'est infala. Infala. طيب ان شق قصر عنده انفعل انفض انفعل نعم معناه تكسر وتوزع سبع بيوت كثير يوج يفعل نعم donc attention entre le انفعل qui vient d'un مضاعف et le افتعل d'un مضاعف ils se ressemblent avec يفعل ils se ressemblent. Mais toi, tu vois, c'est quoi ton point de distinction? C'est le ta et le nun. Tu prouves que si tu vois ta qui est zaïd, ça vient de quoi? Ifta'ala. Si tu vois nun qui est zaïd, ça vient de quoi? Infa'ala. Il va écouter Amel Amfilatali al-Atiya libab ifa'ala. Donc, il me dit sur l'exemple suivant du chapitre ifa'ala. Il a dit Ikhtaraka. El khashabu wa swadda. Donc le bois a brûlé et a noirci. Khashab, c'est du bois. Ihtaraka, c'est brûlé. A cramé, quoi. Thaniyan, rasaltu wa thawba al wasiha bil savon fa biadda. Donc il dit, j'ai lavé le vêtement sale avec du savon et il a blanchi. Thalithan, quand il sfarrat asnanuka ya bunayya ala tastak. Il dit, tes dents ont s'adjouni ou mon fils. Donc tu pas le siwak. Istaka, c'est se frotter les dents, vous curez les dents de siwak. C'est un verbe cross pour ça. Rabi'an. Tahdarru al-ahjar fi rabi'an. Donc les arbres deviennent verts au printemps. Khamisan. Isfarra. Son visage est devenu vert de peur. Jaune. Ouais, jaune de peur, non, après. Tu deviens blanc aussi quand t'as peur, non? C'est blanc. Hein? À la base, c'est pas jaune quand t'as peur. Ah, c'est l'origine. Jaune. Tu blanchis quand t'as peur. Ouais. Une peur étrange qu'il a, lui. Il devient jaune. Ah, la jeunesse, ouais, ça fera pas ouf. Ah, mais il y a un quoi, les gens ont peur. Leur visage, il devient blanc, il n'est pas jaune. On pense à un chinois. Même. Ben, ces gens-là, on a tous les mêmes sifat, les êtres humains. Ça veut dire, quand tu es en colère, c'est vraiment ton là, ça se voit, mais ça se voit pas. Par exemple, le noir, ça va pas se voir. Tu vois? Comme ce qui rouge, il va pas se voir. Mais à la base, c'est la même réaction qui se passe. C'est vraiment la couleur de la peau, t'empêche de voir le rouge du sang. Mais sinon, à la base, tu rougis, tu vois. Ça monte, ça se voit, et toi, ça se voit pas. Hein? Ah, la sœur, ça doit sur tout le monde en général. On va voir. Quand même. Ça me permet de faire un tambi qu'on entend souvent. Je sais pas si je l'avais dit dans un verse. Une expression que beaucoup de gens emploient par peur de. Non, par peur de vexer les gens, tu vois, à cause des termes qu'il y a eu par le racisme, c'est lorsqu'il parle des gens de couleur. En France, par exemple, pour dire, ouais, ça fait genre de couleur et tout. Mm. C'est pour dire, pourquoi tu es genre de couleur? Ouais, je sais pas, c'est chinois, il va quoi? Il est noir. Mm. Lui, il est blanc, lui, il est noir, lui, il est canadien, il est pas mal, tu vois. Et alors que genre de couleur, justement, tu ouvres une autre porte très vite, tu t'en rends même pas compte. Mm. Pourquoi? Ça veut dire quoi, genre de couleur? Ça veut dire les blancs les autres. Quand il dit genre de couleur, ça veut dire quoi? Tous ne sont pas blancs. Ouais. Donc, tu as fait une séparation encore entre les blancs et les autres. Mm. Il va dire, ah ouais, tu es là. Ça revient à quoi là maintenant? Mm. Ça vient, il y a les blancs. Et t'as mis tous les autres ensemble. Ouais. Ça amène à quoi ça? Parce qu'il y a une race là particulière, les autres c'est tous les mêmes. Et non. Tu vois. T'as le noir, t'as le jaune, t'as le blanc, et je crois pas il y a des verts. T'as le rouge. Kulunamin Bani Adam. Mais il y a les gens de couleur, ça c'est pas un truc qui est une expression. En fait, c'est un truc de raciste qu'ils ont voulu faire, mais c'est genre version soft. Faut pas que tu la vois elle passe tout seul, tu t'en rends pas compte. Dis en couleur, dis pas noir, dis pas arabe, dis pas, dis en couleur, c'est mieux et tout. Al-Hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est quoi? La farq bayna al-Ahmar wa al-Aswad. Ma fi farq, il a fi ta quoi? Aywa. Mais Ahmar, les arabes, ils sont pas rouges. Tu peux retrouver ça que t'as compté un rouge comme les, ceux qui viennent d'Inde ou qui viennent d'Amérique, les Américains? Comme les Indiens là, ils sont rouges, on les considère comme étant des rouges. Ouais, ils sont pas rouges comme, tu vois, ouais. C'est comme nous, on dit noir, on n'est pas noir comme ça, ouais. Mais c'est noir, c'est comme un blanc, il n'est pas blanc comme du lait ou quoi, mais on l'appelle blanc. Si, il y a des gens rouges. Mm. Et chez les Arabes, tu trouves plein de sortes différentes. Tu as trouvé des noirs, tu as trouvé des blancs, tu as trouvé des mats. Chez les Arabes, c'est machallah, tu as trouvé plein de sortes différentes. Tu as trouvé des yeux blonds, des yeux bleus, c'est des Arabes. Tu vois, des noirs aux cheveux crépus, c'est des Arabes. On en a vu au Yémen. Ouais. Tu vois, on dirait un Malien, on dirait un Sénégalais. Ouais. Non, c'est un Yéménite. Je suis franc là. Il y en a ici, on le voit là, des fois je le regarde avec un frère, on dit lui, tu vois la tête qu'il a, tu dis c'est un Zaïrois. Eh ben non, c'est un Yéménite de Hadramaut. Ouais. T'en as d'autres, tu les vois, tu dis mais lui, c'est pas possible, on dirait un Européen. Non, c'est un Yéménite de Sanaa. Regarde Chaya, comment il est. Ouais. Il est blanc. Tu vois qu'il est typé, il fait pas européen. Mm. Mais ça, pour le mettre comme ça, tu dis, avance les limites. Ouais, t'as jamais eu limite où tu te dis, tiens, regarde Chayaya, tu dis, d'où il vient? Tu regardes, tu dis, Chayaya. Ouais, ça pointe ta cabine. Ouais, tu prends ta cabine. Ahmed. Cheikh Ahmed, il fait les limites. Ils ont chaque limite. Mais Cheikh Yahya. Ouais, il fait plutôt. Comme ça, on ne devrait pas dire. Tu pourrais dire, c'est un kabyle. Comme tu vois le type qu'il a et tout, comme il est blanc de peau et tout, le trait qu'il a, tu pourrais dire, c'est un kabyle. Mais Kabyle, ils vont dire non. Il faut dire non. Et nous, quand on le voit, on dit ah non, on peut le mettre avec vous, la couleur de peau, le type, on peut le mettre avec vous. Mm. Tu vois? Mais je vois les limites les plus balèzes, il y a Jean Hadramaut en général, le Mubarak, Hadramaut. Ils sont souvent, à Mubarak, ils sont corpulents. Mm. C'est les plus balèzes. Physiquement, c'est les plus grands, les plus costauds. Déjà, c'est les pêcheurs. Nous, Asil, à France, a été où? Sadisan. Radi Belmudarissou, Fahmar Rat. Wajnata, yani le wajna, c'est hala, fomette. Wajna, c'est la fomette. Donc le professeur s'est mis en colère et ses pommettes ont rougi, sont devenues rouges. Wajnata, là, c'est un moussanna. Et c'est un moussanna. Hodi batelnoun, il dorfa ma'al damir. Sabi'an. Akli, hadi, sabakata, hata. تحمر وأخرجها من المقلاة فور إحمرارها. Donc il dit quoi? Fais frire, ça c'est un de kalayakli, faire frire. Vous voyez, fais frire ce poisson jusqu'à ce qu'il vienne rouge. En général, quand tu fais frire, ça ne devient pas rouge. Ils ont des visions étranges des couleurs quand même. Justement, ce qui est rouge, c'est saignant, ce qui n'est pas bien cuit, qui est rouge. Ah, mais après, je sais pas, peut-être que quand. Parce que quand le poisson, c'est pas pareil. Bah, le poisson ne devient pas rouge quand il fait. Ah, mais ils ont. Il devient noir, ou il devient brun, mais il devient pas rouge. Ah, mais ils ont une manière de truc. Bon, on dirait qu'il y a des couleurs, elles n'existent pas dans la. Non, ça arrive. Je sais pas, il faut dire. En tout cas, il a dit fait frire le poisson, il sait ce qu'il rougisse. Ah, voilà, c'est quoi, enfin, ça va venir, Inch'Allah. Il dit, il sort là de la poêle. D'ailleurs. Il y a ni pile poil, on va dire, au moment de où elle rougit. Faur, en fait, c'est. Fauron, c'est-à-dire tout de suite, immédiatement. Quand on dit fouran, il fait la fouran, il y a maintenant tout de suite là. Elle aime. Et là, c'est quoi? C'est dès qu'il rougit en fait. Tu le sors de la poêle. Et là, c'est un zalzemen. C'est un zalzemen. El mindal istikamatu fi irwajadi. Donc il dit la faux, sa droiture, on va dire, et dans sa courbure. C'est quoi le mindal? C'est une faux. Une faux, c'est l'espèce de couteau qui est courbé comme ça, là, avec lequel tu coupes le blé. Une fourche? Non, une faux. Ça s'appelle une faux. Pas une fourche. Une fourche, c'est une grosse fourchette avec laquelle ils prennent le foin, là. Là, c'est une faux. Ça fait comme ça. Bah, c'est, tu vois, c'est des Russes, dans le communisme. C'est un marteau et une faux. Ouais. Comme ça, là. Ça, la faux. Ouais. Tu vois, c'est un, comme un sikkim. Et la lame, elle est comme ça, recourbée comme un corsomline. Ouais. Ça, une faux. La petite, et la grande faux, c'est celle. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que la droiture de la faux est dans le fait qu'elle soit courbée, en fait. Tu profites d'elle, tu fais qu'elle soit courbée. Enfin, c'est une espèce de jeu de mots, quoi, en fait. Ta droiture est dans ta courbure. La phalane. Elle est bien parce qu'elle est courbée. تاسعا في الحديث إن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. Dans le hadith, il a dit le premier temps du asar, c'est lorsqu'il rentre à son début, et son dernier temps, c'est lorsque le soleil jaunit, il devient jaune. Il y en a comme le Maghreb, ça dépend des lieux. Au moins il descend, tu vois, derrière. Non, tu vois, il jaunit, après il rougit, les choses qui disparaissent. Tanim, Ashiran, An Ali, radiallahu anhu, Kunna izihmarra al-ba'su, ittakayna bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ihmarra al-ba's, ay, shtaddat al-harb. Donc il dit quoi? Selon Ali, radiallahu anhu, voilà, lorsque les combats faisaient rage, on va dire, hein, quand il dit Ihmarra al-ba's, lorsque les problèmes sont. Était intense pendant le combat. Le combat faisait rage, bon, en fait. Nous nous cachions et nous nous protégeons par le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Rien se derrière lui. Donc, le message, c'est vraiment une ajja'an-nas, plus courageux. Et Ali était connu, hein. Ali, le cheikh, disait quoi? C'était quoi, je dis ça, c'était peut-être lui, Ali. Donc, si Ali te dit ça à lui, mais j'ai toi, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? On va te dire comment il était. Aujourd'hui, Akhi, laisse tomber, on était. Ouais, c'est pas du shirk, hein. Il t'a créé, c'est-à-dire, c'est genre, tellement tu vois qu'il est fort, tu veux derrière lui, genre, c'est comme quand tu vois un chef, ouais. Tu restes derrière lui, tu vois, il avance, tu avances avec lui. C'est pas genre, tu te protèges de lui, c'est du shirk. C'est comme un bouclier, en fait. Tout comme aussi, tu es autour de lui pour le protéger. C'était Marlouf. Maintenant, comme on joue entre les deux côtes, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais je sais pas, le combat était tellement dur, ils avaient tellement peur que c'est lui qui était en avant, en fait. Non, mais sinon, lui, c'est pas le plus gros de Sahaba, jamais. Mais que lui, la vie, c'était le plus courageux. Non, mais tu vois, c'était le plus courageux. Il n'y avait pas une glissasse comme ça. J'avais entendu en France, mais après, tu me dis si tu te rappelles. C'est qu'il y avait un moment où ils avaient peur d'y aller. Ouais, et après, un cheval, il est parti. Et son Sahaba, il a pas de dame. Et après, il a dit, mais où j'étais là-bas, haram. Ils ont entendu un bruit le soir. Ils ont tous peur. Ouais. Il a pris un faras, un cheval, il est parti voir, il est revenu. Il dit, mais où j'étais là-bas, haram. L'autre se dit, je sais pas, en tout cas c'est Marlouf. Mais ça là, c'est Ajjar al-Nas, c'est le plus courageux des hommes. Il dit parmi les Sahaba, je trouve que c'est Ali. Au combat, c'était lui le plus. C'était un grand guerrier, mais Ali c'était vraiment. C'était un lion, quoi. Ah, mais tu vois, c'est comme là. Tous, même Omar, quand même, Marlouf. Mais Ali c'était vraiment connu pour. C'est Marlouf. La tête en avant, tu vois, en premier. Attends, quand même. Summa, quand même. Enfin, tout, mais le Ma'ani. Ahmed, là, Ahmed, ça c'est. Il se fait rien. Ça rentre pas dedans. C'est bien un défaut. Il y a un défaut de couleur. Ça c'est le défaut de couleur. Ahmed, ça il se fait rien. De Hamida et Ahmed. Le plus loué. C'est pas il se fait rien, non? Ahmed. Comment c'est d'Ismoufaïl? Ah, c'est pas que ça, j'ai entendu le nom. Il n'y a pas d'Ismoufaïl à Ouzna, après. Sabi'an, Yaqul, Araka da'ifan. Ada, Ra, Min, Akhawat, Zanna, maintenant. L'erreur qu'on a maintenant, c'est le roi al-Qalbiya, qui s'appelle, parmi les Ahawad de Zanna. Wa Zanna kulla mazat tula ijumla ismiya, wa tansib al-Mutada wal-Khabar ala annahuma mafoulani laha. Les deux deviennent mafoul. Et là, l'erreur qu'on va voir, c'est le même travail. Min Ahawad Zanna. Oula, ra, adihi bimana alima. Et mana alima, ouna. Je te sais. Je te vois, maintenant je te sais. Tout simplement, ra al-Qalbiya. Vous voyez? Il y en a ra al-Basriya. Madame, t'as cool? Oh! Ra al-Bayt. Je vois la maison. Ça, c'est ra al-Basriya. Basriya. C'est celle de la vue. En soi. Avec les sens, les cinq sens. Je vois la maison. Hada yansib mafulan wahidan. C'est sur le rang d'origine. Voyez, il travaille sur un seul mafoul. Mais lorsque tu vois une action de cœur sur quelqu'un, t'as cool, araka da'ifan, je te vois faible, je te sens faible. Là, c'est un autre ma'na. C'est ra al-qalbiya. Voyez, ra al-qalbiya. Et celle-là, min akhawat dhanna. Talsib mafoulain. وأصلهما مبتدا وخبر أصلا أنت ضعيف تقول أراك ضعيفا أنت ضعيف مبتدا وخبر تقول أنا أراك ضعيفا فأنت devenu كاف ضمير متصل الضعيف خبر devenu مفعول به ضعيفا يقول كما قلنا تنصب الراء القلبية مفعولين أصلهما مبتدا وخبر مثل ظن نحو أنت ضعيف أراك ضعيفا كما أخذنا الآن وفي التنزيل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سيأتي لو فوالوان ولو ينقش هنا أراك البيا هذا الآية الضمير سيكون مفعول et بعيدا وقريبا سيكون مفعول Là, c'est Ra. Et non, il y a Ra en Ahou. Non, mais c'est pas un seul Ra qui fait de. Si, c'est ça qu'on dit. Ra Kalbiya. Ra Kadaifan. Le Kef, c'est Maful Awel, Daifan, Maful Fadi. Il y a Kul Amma Ra al-Basariya, Madame Sibu Maful al-Wahidan. Nahou, Ra Aïtan Mudarris, as-tu vu le professeur? Ça, c'est le Basariya. T'as vu, qui s'use pour la vue. Est-ce que tu as vu le professeur? Ada fi maful wahid faqat. Yaqul atil ra al-qalbiya ala jumal atiya. Yaqul anta musta'jil. Tu es pressé. Qu'est-ce que tu as dit? Ara ka musta'jilan. Huwa hazin. Ra'aytu hazinan. Non, je l'ai vu triste. At-tullab mujtahidun. لا أنت تأخذ ال أتراهم مجتهدين نعم لا لا لا لا تجد ضميرا هنا طلاب ما شرط أترى طلاب مجتهدين نعم تمام هذا مفهوم وفي أفعال أخرى الحمد لله يعطيكم الصحة لكم في أفعال أخرى تعمل هذا العمل أي من أخوات ظن في عمل علم يدخل فيه مثلا اتخذ جعل تدخل في هذا الباب ثامنا يقول عسى أن يكون خير منهن أو منهم أفن عسى أن يكون خير منهم كما في الآية هنا عسى من أفعل الرجاء وتفيد الترجي والإشفاق دونك عسى c'est parmi le verbe d'espoir qui refute à l'espoir ou à la crainte d'une chose. Ou tout simplement, il donne une affaire de Mukaraba, Tamel Amel, Tiana, Bishurut, Zayat, Inch'Allah. Avant de dire, Asa Allahu an yatuba alayhim. Ay, yurja an yatuba Allahu alayhim. C'est-à-dire, on espère qu'Allah leur pardonne. ثانيا وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم أي يخشى أن تكرهوا شيئا لا عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم c'est il se peut que vous disiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous mais ici ils ont mis يخشى يعني l'hypocrite que vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous faut voir dans le tafsir c'est le معنى عسى et le معنى il se peut يقول تعمل عسى عمل كان ويكون خبرها فعلا مضارعا مقتلنا بأن يعني عسى لكم كان على اسم يا خبر سو اسم بحسب الاسم الخبر بشرط que soit une jumla fi'liya avec un verbe au présent qui est suivi par an حرف النصب نحو عسى الله أن ينفعك فهنا لفظ جلالة اسمها هنا كلمة الله لفظ جلالة اسم عسى والمصدر المؤول أن ينفع خبرها وإنما سيبان جملة فعلية أخوان سيبان جملة اسمية أكبر أصبع أن أن يؤول بمصدر دوك الخبر دو عسى C'est le mazal mu'awal bi'an. On a c'est quoi? Asa Allahu an yanfa'ana bika. Funa an yanfa'ana an naf'una. Naf'una bika. L'an an, qu'on a dit quand il refait un verbe, on l'interprète par son mazdar. Donc asa, c'est condition, c'est qu'il y a un nom, et son khabar, c'est une jumla ismiya. Qui commence par an, avec le mazdar mu'awwal. Ça, c'est condition. Il faut forcément qu'il y ait an. Non. C'est pas asa et un ism. C'est asa. Mais ça, si c'est un. ولو يكون فعليا لا بس فعليا شيء عسى أن يكفر عنك عسى أن عسى أن بس فعليا لا أن سأقول بس اسم جملة اسمية كلنا الفعل يعود مصدره وفائدة في ظهار في القرآن إذا جاء عسى في حق الله يفيد التحقيق عسى في حق الله في القرآن في الغالب يفيد التحقيق توكيد توكيد يقول وفي عصيت أن تفسد في الأرض أتى يعني تشوفي و على عصيت أن تفسد في الأرض شو بس من جاي سمعنا كذا هنا je sais pas comment traduire Asaïta ou non. Afin que tu fasses. Non, c'est plutôt la crainte. Mais je sais pas, avec Asaïta, je sais pas comment dire. Excuse-moi, c'est. Et t'as dit où elle ishfaq. Lakin là, c'est à cause de Damir, c'est Damir qui me pose problème. Asaïta. Tu espères que je vais. Là, je sais pas comment. Je crois que c'est proche de Manakada, là. Allah Alam. Donc, il y a un peu de temps, dans Asaïta, où le mazdar mu'awwal, un tout sida, khabarwa. Vous voyez? Fadi, l'asa, elle n'a pas ça. Musukiana. T'as dit, l'isme au khabar. ثم يقول وتأتي عسى تامة وتكتفي بمرفوعها أي باسمها فلا تحتاج لخبر وذلك إذا وليها يعني يأتي مباشرة بعدها أن والفعل يعني ما في اسم كم لازم تستدين وتطلع فأن يأتي directement avec le verbe Celle-là, ta'asa, elle est tamma, elle n'est pas naqsa. Et ce mazdar mu'awwal bi'an, ça y est, c'est marfou. Ça va venir, inch'Allah, l'exemple. Nahu, asa, an yahdiani rabbi. On zoro, on a un fi ism bin asa wa an. Elle fit ism bin asa wa an. Ma fi chéri. Ja'an ou basharam, mal fiam. يقول هنا المصدر المؤول فاعل عصى مثلا الان et le fi'l on le interprète par un مصدر et ce مصدر là celui فاعل في محل رفع فاعل de عصى مثلا يقول لا يقول وفي كيف محمدون الان يقول عصى ان يكون احسن يجوز أن يكون عسى ناقصة وذلك إذا قدرت فيها ضميرا مستتيرا وإذا لم تقدر فهي تامة وأحيانا هذا يرجع إلى نيتك قد تكون تامة وقد تكون ناقصة هذا يرجع إلى نيتك مثلا في قوله كيف محمد الآن كيف محمد الآن تقول عسى أن يكون أحسن إذا كنت أن يكون أحسن فهنا عصى أن يكون أحسن في اسم ما في اسم ما في اسم على الظاهر أنجى مباشرة بعد عصى ففي هذا الحال تستطيع أن تكون أن عصى تامة على أن أن يكون مؤول والفاعل ويجوز نقول عصى هو ضمير مستتير فهنا هي ناقصة هذا عشان نيتك أنت تستطيع أن تقول للعربي فرجز يا رب أو تجي أن يكون مصدر مؤول سلو الفاعل أو تجي نو ما جو سنو دامي مستطير هو إجدي جلي بقى بمنصر دوك لا عصا سلو دامي مستطير سكالي ناقصة كنت ناقصة على اسم مرفوع et après أن كي vient et quand elle est تامة على أن كي vient directement derrière فهمت؟ ده سلو الفاعل Le mazdar mu'awwal, c'est le fa'il de asa. Kounou. Quand c'est tamma, mais si c'est pas tamma, si y a ou, c'est quoi? Ben le ou, c'est le ism. C'est le fi'il. C'est l'ism. Non, quand elle est naqis, elle a ism et un khabar. Quand elle est tamma, elle a un fa'il. Ah, d'accord. Le ou, un yakoun, ça c'est le khabar. Ça dépend. Si toi, tu. Si elle est naqis, ça, n'aam. Mais si elle est tamma, là, c'est le fa'il. Il y a deux exemples pour éclaircir la chose. Il dit Asa Allah Kisa, Mathalan, Asa Allahu an yahdiyahu, Asa itu an anjah. Donc Asa an yahdiyahu, il se peut que Allah le guide. Fauna on zuru, Asa fir, naqis. Memni, Allah, Sukun. Sukun. لا محل له من الإعراب الله لفظ جلالة اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على خليه أن حرف نصب ومصدر واستقبال يهدي على اسم فعل عفوا مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتير تبديله هو يرجع لفظ جلالة وله هنا هذا مفعول به يعني ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به والجملة أن يهديه طيب في محل رفع خبر عسى نفس الشيء عسيت أن أنجح وعسى تامة سلك مفعول خبر عسى أن يهديه الله c'est le même sens. C'est le même sens, sauf que là, il y en a un change. On a Asa, Fiel Tam, Memni, Mardi, Memni la Sukun. An, Harf Nazb, Tokid, ou Mazdar. Yahdiya, Fiel Mansoub, An, Waramat Nazbihi, Al-Fatha Zahira, Al-Akhirihi. Ou An Yahdi, Tayyib, Adel Mazdar Mu'awel, Fi Mahal Raf, Fa'id Min Asa. هذا الفعل يعني ولفظ جلالة فين ولفظ جلالة هذا فاعل من يهدي وفاعل من يهدي وله مفعول به نعم هذا الفعل كيف يعرب أي فعل عسى هنا فعل تام عادي في الماضي مبني لكن يجوز يعني المضارع مع لا هذا جامد الماضي ما في يعصي فعل جامد مش ليس جامد الماضي فقط هذا عصا يعصي لي زبيعة كالصد بلبل هذا فعل جامد مثل ليس مبني على الماضي وعسى أن أنجح نفس الشيء يسبق جو ريسيس هنا الفاعل من عسى سي المصدر مؤول أن أنجحي نجاحي والفاعل من عسى يقول حول عسى الناقصة إلى التامة فيما يأتي هذا سيكون في البيت لو هنا عسى qui est narkis. Et vous le mettez en narkis. Donc ça vous met ce qu'il faut mettre. Mathalen, on fait la première, Mathalen. Asaita, en ta'ouda raden. Tu je pense qu'on traduirait par kada. Ou tu es sur le point de venir demain, ou tu as failli venir demain. Tu as rentrer demain. Là, c'est pas tarjou. C'est pas tarjou. On ne traduirait pas par tarjou. Là, je ne sais pas comment le traduire. Là, quand il y a un demi, c'est pas pareil. Quand il y a une montagne qui vient, c'est plus comme. Mais ça te coule Asa, un Taouda Aden ou Asaïta, un Taouda Aden, c'est pas pareil. Il y a en tout cas une petite différence. J'arriverai pas à le traduire sur le moment-là. Le Mouhim, on a Asaïta, un Taouda Aden. Et là, on a un demi montagne. C'est dans le montagne, c'est quoi? C'est le Ta. Et c'est lui le Ism. Pour le rendre en Ta'am, on va dire quoi? عسى أن تعود عدن فقط وما لا نظمير لا بد اسم لو كفت بعد كل فاز لو بد اسم يسمى عسى أن ما شاء الله خلفه ثم يقول تحت العكس حول عسى التامة إلى ناقصة فيما يأتي هذا هو الخير لا عسى التامة Tu le mets dans le coup. Tu rajoutes un ism maintenant. Là, ta asa vient sans ism, et n directement, toi tu mets un ism maintenant. C'est le contraire de l'autre. Waza fit bait, kazalik. Wayakul, atil asa, fit jumlatein, min insha'ik, ala en takuna naqsatan fil oula, wa tamatan fil oukhra. Donc là, tu mets asa dans deux phrases. Que tu inventes toi-même. Dans l'une des deux, dans l'une des deux, le tamma, dans l'autre, elle est naqsa. هذا كذلك في البيت هذه ثلاثة في البيت ننبيل يقول تاسعا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذه ما بما كنتم تكفرون مصدرية هذه ما مصدرية يعني يؤول الفعل بعدها بالمصدر كأن لكن هذه الماء تدخل في الماضي فقط هذه الماء تدخل في الماضي فقط يعني بما كنتم تكفرون ما معنى بكون ما كنتم تكفرون اي بكونكم تكفرون du fait que vous me croyez وكذلك بعدما انتهت الصلاة كما هذا دي قبل شكرا عليك ما هو تأويل أي بعد انتهاء الصلاة أما مصدرية طيب elle est comme un peu sauf qu'elle rentre dans le film ماضي et qu'elle n'a pas de travail dans l'irlande juste le film qui vient après un enfin ma مصدرية tu l'interprètes par son مصدر non on ne peut pas بعدما أكلت الطعام أي بعد أكلك الطعام مثلا بعدما نمت أي بعد نومك نعم on ne va pas confondre avec le ma de nafia que là dans ce verbe du calme je le vois regarde quand tu dis بعدما انتهت الصلاة يا سوا تقول ما نافيه Ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Voilà. Toi, avec le ventre de la force, tu vois, c'est pas un nafis. Et tu vois que c'est pas un oupeau ismo soul. Pourquoi ismo soul, il y a quoi derrière? Jumla sila. Là, il n'y a pas. Jumla sila. Sila. Allez, ouais. Mais ismo soul, il y a toujours une phrase derrière avec un damir qui revient au ismo soul. Là, il n'y a pas. Tous ils ont des droits avec des normes, des règles, quand tu les connais bien, tu sais que c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bon, c'est celui-là. Parce que mettre en a plein des mains. Six. Tu vois, plus. Maintenant, plus que 13, après. C'est que tous pareils, tous les mêmes parents sont dans la phase, tous des sens différents. Et après, c'est à toi, avec l'habitude, tu vas les distinguer. Ce mal-là, c'est ça. C'est un afia. Celui-là, c'est un mais mazdariya. Celui-là, c'est un mais tamma. Kafa. Celui-là, c'est un mais c'est un jazim. Celui-là, c'est un mais kadakada. C'est toi qui arrives à les distinguer après. Avec à la langue, bien là. يقول قال تعالى لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Donc il dit ils auront un dur châtiment pour leur oubli du jour des comptes. أي بنسيانهم يوم الحساب. عذاب ما مصدرية. Donc c'est le même مصدرية elle rentre dans le film mardi. Entre dans le mardi, il fait le mardi tout à Willow, bil Mazdar. Il y en a bih Fujar. Et bih Fujar. Ashiran. Elle vient de lui expliquer un tokdir dans un verset qui est passé dans le texte. Il m'a collé Fa'amma lazina ou soudet ou djouhum a kafartum. Badimenikum. Fazakul azab bakutum takfurum. Yakul huna. Amma, on a dit quoi? C'est haftafsil. Quand on utilise amma, on a une suite. C'est amma kaza, fa kaza wa kaza kaza. Le amma, il y a un fa qui vient toujours. Vous voyez, le amma, ça c'est dans le kitab awel, ou dans le sain. Le amma, vous voyez, il y a un fa qui vient derrière. Une jumla jawab. Et là, le jawab, il n'y est pas. Il est mukaddam. Là, là, là, il est mukaddam. Le fait mukaddam, ça va être l'an. Huna, jawab amma, ma'zouf. Il a été enlevé. Wa taqdiruhu, fayuqal lahum. Et quant à ceux dont le visage a été noirci, regardez, il vient directement. Avez-vous mécru? Il manque quelque chose. En fait, bah, eux, on leur dira, avez-vous mécru? Donc là, le, eux, on leur dira, ça a été enlevé. C'est fayuqal lahum, ma'zouf. Ça c'est le jawab de Amma. Vous voyez, c'est le jawab de Amma. C'est Amma, on le dit, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Et quant à? Quant à cela, alors kaza wa kaza wa kaza. Il faut un jawab, c'est une conséquence. Amma c'est différent, Amma et Imma. Imma c'est soit ceci, soit cela. Amma c'est quant à ceci. Alors cela, cela, cela. Donc là, dans le verset, le jawab Amma marzouf. Tabdilou, fayuqalu lahum. Fayuqalu lahum. تمام يقول حد مضارع فقد كيف يجي يقرا باش كون يفقد بدم فقد تقول كذا هذه ثلاثة شوز سي با ضاع سي aussi un mal فلان فلان مفقود فلان était perdu فلان فلان كان في السيل ففقد dans l'écoulement il était perdu. Istakka ou istakka, enfin. Istakku. Ah oui, c'est curer les dents avec le siwak. Ma ma'na al-wajna wa ma jamuha. Kulna al-wajna. Ah oui, et le jam. Wajna. Hada faqat. Le faqada, c'est perdre, se perdre soi-même ou perdre une chose? Perdre une chose. فاليوم أخذنا وزنين جديدين أخذنا إفعل له ويفعال له قلنا أنا إفعل له للألوان والعيوب ويفعال له للألوان فقط أي للألوان فقط. أخذنا أيضا راء القلبية التي هي من أخوات ظننا تدخل إلى المبتدأ والخبر وتجعلهما مفعولين لها. وأخذنا عسى معنى التردي والشفاء مثل لعل معنى لعل فقلنا هي قسمين إما تامة أو ناقصة ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر ويشترط أن يكون خبرها جملة اسمية طيب تبدأ ب أن والتامة أن يأتي أن مباشرة بعدها أيوة أما دار الحديث بيتماش معنا في معنا في لكن سيكون فقط في دماش في دماش هذا استمتع كل في دماش بدوش بيضم فيه طبعا والحمد لله رب العالمين.